rien faire dans cet état-là. Bien, on a qu'à te débarrasser de tout ce métal. Tire pas la queue, c'est une blague. Tu vas lâcher ça. Bande de cyborgs qui n'ont pas le système de protection comme le nôtre. Float the plane. Thank you. tell you the truth, I forgot my shit. You missed the point for the idea of powerful handmade money and blew your head clean off. You gotta ask yourself a question. Shit. получилось и ушел ты мальчик на 4 года, ты его моложе мне. Грусти, родная, подожди немного. Solisa. immédiate éradication.

cerveau qui a complètement disjoncté au milieu. We'll be right back. Peace.